Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ah, ça c'était un bon week-end, comme il s'en faisait pas depuis le début de l'année. Tu sais, comme je vous l'avais dit, j'étais à Atlanta avec Xav puis Monette. Vincent était supposé venir, mais finalement il a dû canceller pour des raisons personnelles, ce que je respecte. C'est ça, on est allé voir les Braves jeudi, très beau stade. Un des plus beaux que j'ai fait là. On essaie de toutes les faire. Moi je suis rendu à 16. Les deux autres sont pas loin en arrière ou presque égal. Vendredi. C'était les Braves, c'était vendredi. Jeudi, il y avait la game Browns Jets. Victoire des Browns. Début de Baker Mayfield. C'était super excitant. Samedi, on est allé voir Georgia Tech. Il recevait Clemson. Quelle attaque de marde, hein, Georgia Tech. Je trouve qu'on a le meilleur front seven, possiblement dans tout le college football. Je pense qu'il faisait ça avant, là, mais c'est triple option, triple option, triple option. À chaque jeu, là, quand c'est rendu 3ème et 15, parce qu'évidemment, ça n'a pas marché, triple option, c'est deux jeux d'avant. Ah ben là, on essaie une passe, puis on est surpris que ça marche pas. C'était bizarre, mais c'était un beau campus, ça. C'est juste que la game... C'était un petit peu plate, là. On est parti à demi, je pense. Mais c'est très très beau campus, très cool, Georgia Tech. On va m'approcher un petit peu du micro, là. Juste le son, je sais. Ok. Ah, dimanche, on a eu droit à toute une game, là. Le stade des Falcons était écœurant d'ailleurs, vraiment beau, mais il reçoit le Super Bowl cette année. Mais non, c'est ça, c'est Saints Falcons, ça finit 43-37 en overtime. Deuxième game des Saints que je vois en overtime avec celle contre les Redskins en passé. C'était incroyable, c'était l'attaque, des changements de possession, des lead changes. À toutes les deux minutes. C'était vraiment une bonne game. Puis les Saints ont gagné. Là, c'était incroyable. Il y avait de l'ambiance à Atlanta. C'était cool. Vraiment. On est droit à tout un show. Là, c'était vraiment cool. Puis lundi à Tampa, à Raymond James. Vraiment une bonne game. Steelers Bucks, honnêtement. Ben. Les Steelers ont dominé, mais. Les Bucks ont su rendre ça excitant à faire, même s'ils ont punté comme des crises attardées mentales. À la place de garder Fitzpatrick, en tout cas. Whatever. Fait que. Ouais, en bout de ligne, juste au niveau football en fin de semaine. Le voyage était vraiment nice, mais même les autres games. Redskins, ils battent les Packers, c'est surprenant. Eagles Colts, c'était serré. Les Bills qui upset les Vikings. Ça a battu bien du monde dans Survivor Pool dans lequel je suis inscrit. Moi, j'avais pris les Bears. Fait que j'ai survécu, mais. Plein du monde qui ont quitté à cause des Vikings. C'est quoi les autres games? Ouais, Titan Jaguar, c'est de la marde, parce que c'est toujours de la marde ces games-là. Mais Chiefs, Niners, ouais, Garoppolo out pour la saison. Niners plus relevant, autant en fantasy qu'en vraie vie maintenant. Même Rams Chargers, ça finit par 12, mais c'était cool, c'était du up and down. Les Pats qui en mangent une tabarnak Sunday night, plus c'était. J'étais surprenant, là. Ils ont juste jamais ôté leur pied du gaz, puis ils passaient pas qu'à rien faire. Contre une défense qui est pas si bonne que ça, honnêtement, là. Fait que, ouais, une bonne fin de semaine, puis c'est une bonne fin de semaine aussi parce que j'ai gagné. Finalement, il aurait fallu du quatrième quart du Monday Night, Chris, mais j'ai gagné. Fait que, et félicitations, moi, pour le 10$ aussi. Cette équipe, cette semaine, ça a juste pris 101 points hein, pour l'avoir. C'est vraiment une down week. Là. Je regarde les pointages. J'ai gagné 101,90 contre Simon Anctil. Il m'a donné À demi, je commençais à choquer là, la game des Bucks, mais finalement, ça a fonctionné. Frank Perkins qui spank mon oncle, hey le gros, qui a vraiment pas une bonne semaine, parce qu'il a benché Drew Brees. Drew Brees qui a une défense de merde au début de l'année, puis tu le benches, là, gars. Fais ce que tu veux, mais. Bon, est-ce que. Drew Brees fait. Tu sais que mon oncle aurait gagné s'il avait mis Drew Brees à la place de Kirk Cousins. Il aurait gagné, il aurait eu 30 points de plus, il aurait gagné par 2. Hein? C'est méchante différence. Là, il s'est fait planter par 30 à la place. Mais il aurait gagné s'il avait mis Drew Brees. En tout cas, donc mon cousin Simon, félicitations pour ça, l'équipe à 3-0 en ce moment. Plus d'équipe sans victoire, ça c'est le fun. Moi puis Vincent on a gagné. Et une équipe à 3-0, mais une équipe qui m'intimide pas tant que ça, honnêtement. Là, mais qui ont été, mon coin était un petit peu chanceux, mais 3-0, félicitations. Junkies vont chercher la première victoire 95-79 contre Paris El Potato. Los Pogos qui l'emporte par la peau des fesses contre Argent et Voix Technique. Ouais, j'étais avec Monette. Il y avait Big Ben, il perdait par 3. J'étais avec lui au stade et ouais, à la fin de la game, il filait pas trop bien. Mais c'est des choses qui arrivent en fantasy. Il y a des défaites de crève-cœur, puis ça en fait partie. Là, comme, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Là. Et finalement, Mofo qui arrête pas de me prouver que. Il essaie de me prouver que vraiment, je connais rien. Qui l'emporte 99-70, qui spank les Sinners. Sinners avec une semaine vraiment pas très bonne. Et les joueurs de. Beaucoup de joueurs de Romain. C'est le moins. Et son joueur le plus low scoring a mis 10 points. Avec une bonne semaine overall pour Romain qui avance à 2-1. Sinners tombe à 1-2. Et avant ça, ouais, Los Pogos tombe à 2-1. Et Argent Botanique à 1-2. Donc, ouais, c'est, on regarde le classement, c'est, ben, ça sert pas à grand chose, honnêtement, là, mais c'est très serré, là. Dans les deux bords, hein. Même si avec mon cousin à 3-0, je le vois pas partir à courir avec la division, honnêtement. Pas quand tu startes Bilal Powell, puis Alex Collins, puis Amari Cooper, non, ça fait pas si peur que ça. Donc, ouais. 4 équipes à 1-2 dans ma division et dans l'autre division. 3 équipes à 2-1 et 2 et à 1-2. Donc, non, je suis content. Là, il y a l'air d'avoir pas mal de parité, honnêtement, à date. Là. Parce que maintenant, tu sais, c'est poche. Puis s'il y a quelqu'un qui a une équipe très mauvaise, il check out, mettons, à semaine 3-4. Ça rend ça moins compétitif, c'est vraiment moins le fun. Donc moi, tu sais, le but c'est que tout le monde reste impliqué pour que ce soit plus le fun. Et à date ça s'aligne bien là, comme je dis, aucune équipe sans victoire. Fait que ça c'est génial. Ouais, j'ai fait des power rankings aussi. Ouais, OK. Moi y aller avec ça tout de suite. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, avant, comme je disais, vraiment un cool voyage avec les boys en fin de semaine. Honnêtement, il était un petit peu down la gang là, à la fin parce qu'ils avaient perdu leur match-up. Là. Ben, en fait, Xav et Monette. Lundi soir, était down. Xav, dimanche soir, il filait pas trop bien. Surtout que les Pats qui sont fait battre par les Lions. Là. Mais ouais. On a eu bien du fun. On a eu deux vraiment bonnes games de football. On a droit à deux. On était à avoir deux autres très belles places, Georgia Tech et SunTrust Park. Vraiment aimé ça. Donc, moi, je pense pas que c'est tout pour mes voyages de foot, mais c'est tout pour septembre, en tout cas. Là. Peut-être faire d'autres choses en octobre, mais ça reste à voir. Faut qu'il y ait des affaires qui se concrétisent, les examens, tout ça. Mais je repars pas en voyage pour, mettons, un bon 3 semaines. Donc, ouais, c'est ça. Bon, je vais aller avec les Power Rankings. À 10, je prédis que cette équipe-là va venir en dernière place cette année. Ça, c'est Paris El Potato. Tu sais, Tom Brady, il a pas un bon début de saison. Kareem Hunt, je me perçois comme étant pas assez stable. Tu start Jamal Williams, pas une bonne idée. David Johnson, vraiment underwhelming cette année, c'est un désastre. Kyle Rudolph est correct. Allen Robinson est correct. Puis Juju, il est très bon à date cette année. Donc, côté wide receiver, c'est passable. Mais le reste de l'équipe, j'aime pas. Donc, 10e place. Désolé, Emilien. 9e place, je mets Hey le Gros. Mon nom, qui a son line-up avec zéro profondeur. Qui start Kirk Cousins à la place de Drew Brees. Qui start Latavius Murray aussi. J'aime Saquon, j'aime AJ Green. Puis, mais Mixon est blessé. Et j'aime Brandon Cooks aussi. Green, Cooks puis Thomas, c'est un bon trio de wide receiver. Mais Trey Burton, Tyron, puis des problèmes de running back, des problèmes de profondeur, comme je dis. Donc, j'aime juste pas cette équipe-là. Puis la défaite de cette semaine était très prévisible. Là. C'était sûr qu'elle allait se faire puncher dans la face. Ils ont fait 70 points, je pense. Non, c'était overdue. Là, puis non. 9e place, c'est le gros. 8e place. Écoute, Romain, content pour toi. T'es 2-1. Mais ça, c'est mes power rankings. Puis j'aime pas ton line-up. C'est simple de même. Le Gio va faire la job pour une couple de semaines, oui. Zach Ertz. On va voir qu'est-ce qu'il a fait la dernière semaine, Zach Ertz. Ok, 9 qui ont. Zach Ertz, ça va bien. Golden Tate, un très bon début de saison, surprenant. Julio. Julio à date, il est correct. Un petit peu underwhelming, comme d'habitude. Rodgers, c'est bon. J'aime vraiment pas la situation de running back. Même si wide receiver, ça va. C'est vraiment les running backs que j'aime pas. Tu vas starter Chris Carson, Marshawn Lynch cette semaine. Ces gars-là ont un ceiling très très limité là. Mais écoute, je suis content que. Moi, tout ce que je veux, c'est le chaos. Hein. Fait que là, t'es 2-1. Moi, je suis bien content avec ça. Moi, je suis dans mon coin. Je regarde de ta division. Je trouve ça vraiment nice. Je te souhaite de continuer de gagner. Personnellement, j'aime pas ton équipe. Mais écoute, tu t'impliques, tu fais des. Genre, tu drops des gars, t'essaies d'améliorer ta team. Moi, je suis bien content de tout ça. Continue de même, t'es 2-1. On sait jamais ce qui peut arriver. T'sais, surtout en fantasy. Fait que. T'es à numéro 8, Romain, mais. Moi, j'aime ton attitude. Je suis correct avec ça. Juste ton roster que j'aime pas. 7e place, les Sinners prennent une drop. Notamment à cause, je suis pas sûr, de l'état de santé de Dalvin Cook. Moi, gros trade la semaine passée, j'étais allé chercher James Conner, j'ai envoyé Jarvis Landry, Chris Thompson. Thompson qui a shit the bed cette semaine. Mais, tu sais, Russell Wilson qui est up and down. Melvin Gordon, toujours bon. Mais Dalvin Cook, un début d'année un petit peu bizarre. Keenan Allen, il y a une grosse première semaine, après ça, ça s'est calmé. Jarvis, il va être stable, je pense. Moi, je pense pas que j'ai fourré exact dans le trade. Le Jarvis, c'est il est valuable, puis je pense qu'ils vont une bonne année. George Kittle qui a eu aussi dans le deal, mais ça c'était avant la blessure à Jimmy. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Vraiment, il va faire des points avec Beathard, mais encore une fois, le ceiling est très très limité. Puis j'aime beaucoup Will Fuller cette année, là, le touchdown à chaque maudite semaine. Là. Oh! Bon, Aqib Talib en IR. C'est un coup. Tant mieux, Chris et Ram sont bien trop forts. Là, un moment donné, ben, pas tant mieux, mais. Je veux dire, moi j'ai peur en maudit des Rams. Je veux dire, des limites pour une équipe à être bonne de même. Ouais, pas tant mieux, là. J'espère qu'ils reviennent. Là. Mais, ouais. En tout cas, pour venir aux Sinners, ouais, c'est juste, c'est temporaire. J'aime Carry On sur le bench. Mais c'est juste l'état de santé de Dalvin Cook, qui est les up and down de Russell Wilson. Puis de Keenan Allen. Pour l'instant, j'ai de la misère à y mettre très très haut, mais c'est une équipe qui reste dangereuse. J'y trouve moins dangereux sans James Conner, c'est sûr. Mais moi, j'espère tellement que Le'Veon se fasse échanger puis puisse avoir Conner pour l'année. Je serais ecstatic. vraiment. Si je pouvais avoir Zeke, McCaffrey, puis Connor, avec Sonny Michel sur mon banc, le Rex Burkhead vient d'aller sur IR, hein, fait que Sonny Michel va jouer. Puis Derrick Henry, qui reçoit comme 18 carries par game, même s'il fait rien avec. Moi, je suis stack à running back pour la saison. Là. Écoute, moi, je suis bien content avec ça. Puis je peux roll out Zeke, McCaffrey et Connor à chaque semaine. J'aime mes chances de faire du dommage en série. Mais pour l'instant, comme je dis, les Sinners, temporairement, numéro 7 dans mes power rankings. Numéro 6, en fait, c'est Agate. Oh, Simon Antil, tabarnak, je tiens à dire son équipe con là. Ouais, j'ai battu cette semaine, mais. Tu sais, il était chanceux d'avoir Tevin Coleman juste avant que l'absence à Freeman soit annoncée parce que Monette a fuck up. Mais, tu sais, Fitzgerald, wide receiver 2, c'est pas idéal. J'aime Devante Adams, j'aime Gronk, même si Gronk, tu sais, c'est un tight end. Fait que les tight ends, ça fait pas 25 points chaque semaine. C'est juste j'ai des problèmes avec les running back. T'sais, quand Freeman va revenir, cette équipe-là va avoir de la difficulté. Beaucoup de difficulté. C'est Kamara, puis ça va être après ça Coleman, Freeman, qui l'autre qui est sur son banc. Aaron Jones. J'aime la profondeur à receiver là, avec Aguilar et Nunua, mais les Rivers, c'est un solide carrière. Mais cette équipe-là est correcte en ce moment. Va gagner des match-up, mais j'aime pas vraiment la perspective future de cette équipe-là. Là. Numéro 5, j'ai Junkies qui remonte après avoir été numéro 10 la semaine passée. Tu sais, Antonio Brown, Michael Thomas, c'est dur d'avoir un meilleur duo wide receiver que ça. Mahomes, il expose depuis le début de l'année. C'est vraiment un running back. Tu sais, Howard, il est correct. C'est un fringe RB1, RB2. Ça va. Mais, upside limité. Shady McCoy, il m'a affaire avec sa situation. Upside très limité. Puis avec les blessures, il va probablement jouer cette semaine. Mais encore une fois, je sais pas. Jared Cook, c'est un low-end tight end. Puis, Galladay. Tu sais, j'aime Adrian Peterson. C'est nice. Mais à part ça, j'aime Galladay. Avec Brown et Thomas, c'est sûr que cette équipe-là va gagner des semaines parce que ces deux gars-là vont exploser à quelques reprises. Mais j'aime pas la situation running back et c'est, moi je pense que les running back plus importants que les wideouts parce qu'ils sont plus rares. Numéro 4, Los Pogos qui a soutiré la victoire cette semaine, qui réussit à survivre à 2-1 sans l'aide de Le'Veon Bell. T'sais, Beckham, Diggs et Hill, j'ai dit à plusieurs fois, c'est très très dangereux. Sauf que le reste, c'est de la dompe. Ben, QB, ça va, mais quand tu startes Lamar Miller, puis James White, puis Ricky Ron, il y a des problèmes. Puis, il veut pas. C'est parce que tu peux pas faire des trades avec Malo, il n'y a aucune notion de la valeur des affaires. Puis, il va ramasser un gars, c'est Wary. Je te l'échange contre ton start, contre ton bona fide starter. T'sais. Oh, je vous échange Ricky Ron contre. Puis, qui voulait échanger avec Ricky Ron? En tout cas, whatever. Tu peux pas faire de trade avec ce gars-là parce qu'il comprend rien et il est pas raisonnable. Mais il continue de gagner. Mais tant que Le'Veon Bell sera pas avec une équipe, que ce soit les Steelers ou une autre, ils vont avoir de la misère à avoir des très très grosses semaines là, parce que je m'excuse, mais Lamar Miller et James White, ça c'est du upside très limité. Là. Mais ils sont 2-1. Fait que, tu sais, rien. Je peux pas vraiment les bâcher trop dessus. Puis Beckham, Diggs, puis Hill, c'est très très bon. Mais pas de Bell, pas de top 3. Parlant de top 3, vu que j'ai gagné, je me permets de me monter, même si je suis 1-2. Parce que j'adore mes running backs. T.Y. Hilton, comme moi, premier wideout, c'est correct, c'est moyen. Là. Je suis conscient que mes wide receivers, il y a des problèmes. T'sais, j'ai Graham et Reed à tight end, je peux alterner, ça, j'aime ça. Mais comme je dis, wide receiver, c'est l'affaire la plus remplaçable dans la ligue. Tu peux starter des gars, mais pas qui sont sur les waivers puis qui font autant de points qu'un starter régulier. Un gars de 12 points par semaine, ça trouve ses waivers. un Chris Godwin, il y en a, tu sais, des gars de même là, qui vont avoir un touchdown, qui ont une semaine correcte, il y en a plein. Des Cooper Kupp, ça se trouve plus facilement. Puis moi, cette année, je vais probablement streamer les quarterbacks, je vais y aller avec le match-up. C'est pas une stratégie que je considère comme étant mauvaise. Donc, j'ai beaucoup de profondeur à running back. J'ai pas des excellents wide out, mais je pense être capable de compenser assez facilement pour ça là. Donc ouais, je suis content de ma situation, puis je me mets numéro 3, puis c'est ça, fuck les haters. Numéro 2, argent et vote ethnique. Surprenant parce qu'ils ont perdu, mais avec Fournette qui devrait revenir. Fournette, Hopkins, Thielen, Kenyon Drake, Big Ben, Travis Kelce, c'est un bon line-up. Puis quand Grimm va revenir, ça va être encore mieux. Donc, j'ai pas grand-chose à dire à part que si avec Fournette, Hopkins, Thielen, c'est un très bon core. Puis Travis Kelce à Thailand, c'est excellent aussi. C'est sûr que Kenyon Drake et Yon Lewis ils ont des problèmes, là, mais... J'aime quand même cette équipe-là pour le moment. Je pense qu'ils vont bondir même s'ils sont 1-2. Et finalement, numéro 1, sans surprise, à une seule équipe invaincue à date, c'est Flying Pelicans. Cette équipe-là a des problèmes, ok, mais ils sont 3-0. Todd Gurley, c'est une brute. Le Sean Watson à QB, ça fait des points. Mike Evans fait des points depuis le début de l'année. C'est sûr que quand tu starts Powell puis Collins, c'est pas très bon. Evan Ingram à Thailand, c'est correct. C'est qu'il veut monnette kill. Ok. Puis Amari Cooper, très up and down. Donc, c'est qu'il n'y a pas, comme je dis, à battable. C'est pour ça que je dis que la ligue a beaucoup de parité et que c'est pour ça que j'aime ça. Mais ouais. Ils sont 3-0. Et ça, c'est dur d'argumenter que c'est l'équipe la plus stable en ce moment. C'est du steady. La première semaine, t'es pas très bonne, mais après ça, 120 puis 95 points. C'est assez stable. C'est l'équipe qui a le moins de points contre. Et c'est pour ça que 3-0 d'ailleurs. Mais. 3-0, Chris. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, honnêtement, ça a été mérité. J'ai le feeling que j'ai oublié quelque chose. Ça fait juste 22 minutes. Ah oh, non, c'est ça. Ok. Ouais, je peux plus vivre les match-ups la semaine prochaine. Pardonnez-moi. Week 4. Il y a un texte à monnette pendant que ça load. Quatre heures vendredi, fuck off. Ok, un match-up. Los Pogos contre The Sinners. Je pense pas que c'est tout le monde qui a salé son starting line-up, mais je vais y aller à peu près pareil. Russell Wilson contre Matt Ryan, avantage, monsieur... C'est à peu près égal. Surtout contre Arizona pour Cincinnati, je vais mettre ça égal. Gordon contre Lamar Miller, avantage Miller. Cook contre White, avantage Cook. Beckham, Allen, avantage Beckham. Diggs Andrew, avantage Diggs. Kittle et Brown mettent ça égal. Et Tyreek Hill, Will Fuller, avantage Slight, avantage pour Tyreek Hill. Donc dans le fond, c'est... Je prédis une victoire des Sinners parce que les running backs sont juste beaucoup meilleurs. Beaucoup meilleurs, nice. Ils sont juste bien meilleurs là, que ceux de Los Pogos. Puis ouais, puis c'est pas comme les Sinners avaient des mauvais wide receivers non plus. Ils sont juste moins bons, beaucoup moins bons en tant que groupe que ceux de Manlo, là. Mais ils sont quand même très respectables. Donc je prédis une victoire des Sinners en fin de semaine. Deuxième match-up, hey, le gros contre Mofo. D'après moi, mon oncle n'a pas encore fait son starting line-up. Mais je l'aime pour gagner cette semaine avec AJ Green, Saquon Barkley. Si peut mettre genre. Si Joe Mixon y joue, ça devrait être dans la poche. J'y ai pas mis son starting line-up. J'aime mieux ça que Marshawn Lynch, Chris Carson et Joe Bernard. Je prédis une victoire de mon oncle en fin de semaine qui Une de ces deux équipes-là va être 3-1. Hein. Les deux sont à 2-1. Donc, une de ces équipes-là va être 3-1. Et je pense que cette équipe-là, ça va être mon oncle. Même si je l'ai mis avant dernier les Power Rankings, c'est juste une question de match-up. Flying Pelicans contre Sophisticated Sex Robot. Est-ce que le monde a fait leur line-up ici? Je pense que oui. Là. Donc, Philip Rivers contre Sean Watson. Je vais mettre ça égal parce qu'ils ont des bons match-ups. Powell contre Coleman, avantage Coleman. Gurley, Kamara. Mettons égal parce que Kamara est vraiment dominant depuis le début de l'année. Là. Evans, Fitzgerald, avantage Evans. Cooper, Adams. Bon, plus. Ok, Evans contre Adams, je vais mettre ça égal. Fitzgerald, Cooper, avantage Cooper. Gronk, Ingram, avantage Gronk. Alex Collins, Royce Freeman. On va dire que c'est égal. Je pense que Monsieur Anctil va l'emporter cette semaine. Mais ça va être très, très, très serré, je crois. Mon cousin est dû pour une semaine de cul, là. Fait que je prédis la victoire de Monsieur Anctil cette semaine et mon cousin subirait sa première défaite dans ce cas-là. Quatrième match-up, moi contre les Junkies, Vince. Moi, j'ai McCaffrey en bye, donc je suis pas super optimiste. Andy Dalton, Pat Mahomes, avantage Mahomes. Elliott contre Howard, avantage Elliott. Connor, McCoy, avantage Connor. Hilton contre Brown, avantage Brown. Cobb contre Thomas, avantage Thomas. Jimmy Graham, Dalvin Cook. Comment il s'appelle? Jared Cook. Mettons que c'est égal. Puis Sonny Michel contre Kenny Galladay, c'est à peu près égal ça aussi. Charge Sonny Michel, comme, parce que comme je dis, McCaffrey est en bail. Et Burkhead est blessé. Et j'ai pas d'autres options. Là. Henry contre Philly, c'est pas bon. Puis Calvin Ridley, je pense pas qu'il va faire trop touchant encore. J'ai le gros avantage à la running back. Il a le gros avantage à wide receiver. Il a l'avantage à QB. Puis Tynan est à peu près égal. Donc, je pense que Vince va me battre cette semaine. Je m'y attendais un peu depuis le début de la saison de perdre week 4 contre lui parce que McCaffrey est en bail. J'ai des chances de gagner. Là. Je pense que j'ai des bonnes chances pareil. Mais. Je pense que Vince va me battre parce que j'ai pas assez de firepower, surtout à wide receiver. Là. Faudrait que Sony. Le gros X-Factor, c'est Sony Michel. Là. Je sais pas s'ils vont. S'il y a une grosse semaine, j'ai une chance, mais il n'y a pas une grosse semaine à date. Donc, on va voir. Dernier match-up, Argent et Votetnik contre Periel Potato. Donc, Big Ben contre Tom, à peu près égal. Deion Lewis, Kareem Hunt, avantage. Non, il va starter Fournette. Là. Non, c'est Fournette. Je vais tenir compte que Fournette, il joue, mettons. Donc Fournette contre Hunt, avantage Fournette. Kenyan Drake, Jamal Williams, je vais dire égal là, honnêtement parce que Kenyan Drake pas super. Hopkins contre Thielen, avantage Hopkins. Hopkins contre Robinson, avantage Hopkins. Thielen contre Smith-Schuster, je veux dire c'est égal. Voice crack. Kelsey contre Rudolph, avantage Kelsey. John Brown contre David Johnson, je veux dire que c'est égal. Je serais surpris de dire ça, mais je veux dire que c'est égal parce que Johnson fait beaucoup de points, puis John Brown, c'est le target préféré à M. Flacco. Je prédis, j'ai pas mis mon cousin dans les 10e des Power Rankings pour rien. Je prédis une victoire de Argent et vote ethnique cette semaine. Et je vais voter pour lui parce que je veux que le monde dans ma division perde. Donc là, j'ai fait combien de temps là? 27 minutes. Bon, là, j'enregistre ça comme au milieu de l'après-midi. Là, mais j'ai pas eu de cours aujourd'hui, finalement, ça a été cancellé. Donc, je vais pas appeler personne encore une fois cette semaine. Je pense que Xavi est malade de toute façon. Puis, Monette, il y a un cours. Anyway. Vince, il y a un cours aussi. Donc, mais. On a passé un beau voyage. C'est vraiment cool. Les Saints ont gagné. Deux très bons matchs. Surtout le shootout à Atlanta. Là. Fait Saints Falcons. C'était. Aucune défense, là, on s'entend, là, mais c'était très, très entertaining. Je suis vraiment, vraiment content d'être allé voir une bonne game de même. Et le Monday Night non plus, qui aurait pu décevoir, qui semblait être un blowout, finalement, ça s'est resserré. Très bon match aussi, honnêtement, on a été chanceux. Puis je suis content d'avoir fait le stade des Falcons, de pouvoir barrer le stade des Falcons et le stade des Braves de ma liste. J'étais déjà allé à Raymond James, le stade des Bucks avant, pour voir une game Bucks Saints. Là. Mais un stade de. C'est quoi ça? Ok, en tout cas. Ouais, un stade de foot de moins à faire. Un stade de base aussi de moins à faire. Je pense pas retourner à Atlanta dans un futur proche ou éloigné. Là, même si le stade est beau, c'est loin. Puis. Le centre-ville était cool. Mais ouais. C'est-à-dire, je suis passé un beau voyage. Puis c'est assez fait. Et j'ai hâte de faire un autre voyage demain avec les boys l'année prochaine. Là, je suppose qu'on va aller. En tout cas, on va voir. Ça dépend. On va juste décider ça au printemps prochain. Anyway. Fait que c'est ça. Oui, qu'on est déjà mercredi. Hein, et demain, c'est Vikings-Rams. Je m'attends à un shootout. Parce que Talib Peters pour les Rams ne joue pas. Ça me surprendrait pas que les Vikings aillent la chercher celle-là. On verra. Mais ouais. Ça va être un excellent Thursday night. Demain, j'ai hâte. Et bonne chance à tous en fin de semaine. Bon week 4. Et je vous reparle la semaine prochaine.